Section 16 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 16. Pascal Geffos par Paul Marguerite, chapitre 21. Geffos avait un étrange cauchemar. Il travaillait de nuit dans son cabinet de travail, depuis si longtemps que ses cheveux étaient devenus blancs. Il était poigné par une angoisse inconnue, l'attente d'un événement ou d'un spectacle extraordinaire, imminent. La porte, attirée par une main invisible, recula et s'ouvrit, sur un fond d'ombre suspecte. Les flammes des bougies, peureuse, vacillère. Le malaise ambiant qui semblait régner depuis des siècles s'accrut. Solennel fut le silence. Étrange surtout était le lieu. Ce cabinet de travail, dépouillé de sa réalité, n'en gardant que l'apparence, paraissait réduit à la vie factice, simulée d'un décor. L'angoisse même qu'il inspirait était imaginaire. Et les flammes des bougies, en leurs frissons éperdus, rappelaient exactement celles qui, cet hiver, à l'Odéon, palpitaient au cinquième acte d'Antony, dans le souffle d'épouvante que laissent derrière eux les grands gestes, la mimique affolée des amants, surpris par le mari. « Misérable !» vociféra des grands sur le seuil. Il tenait d'une main une valise, de l'autre un carton à chapeau. Il les déposa sur le tapis et, s'approchant de Geffos, qui venait de s'aplatir le nez sur la table, murmura « Tiens, il dort !» et mis en défiance par un ronflement bien nature. « Mais peut-être qu'il fait semblant !» Très rusé, il lui appuyait aussitôt ses deux poings sur le sternum. « Oh, quel poids horrible, affreux ! Ne nous éveillons pas surtout. Mais que je suis bête, je ne dors pas, puisque je vois des grands, comme si mes yeux étaient ouverts. Pourtant, ils sont fermés. » Il essaya de déceler ses paupières, se donna un mal inouï, ne put. C'est drôle, des grands n'a pas l'air fâché. Non, il furetait dans la chambre, glissant sur la pointe des pieds, avec une grâce d'éléphant. Et il entrouvit un des battants de la bibliothèque. « Ah, mon Dieu, Louise qui est à côté dans la chambre !» Il va la trouver. Comment la prévenir? Si je remue, tout se découvre. Non, sauvé, il va au cabinet de toilette. Il enlève son gilet. Il... Oh, tiens, il se fait la barbe. C'est drôle, je n'ai jamais compris... qu'un barbier vous rasa, car enfin, on tend sa gorge. Que cet homme soit fou ou tenté. Quick, il vous la coupe. Ah, mon Dieu !» Il eut l'intuition que tout ce qu'il pensait, des grands, par une divination magnétique, le percevait à mesure. Ainsi, voilà que l'idée du coiffeur, répercutée télégraphiquement dans son cerveau, lui agréait. Il s'approchait, brandissant le rasoir. Mais il va me couper le cou, si je pouvais bouger. Je ne puis, je ne peux pas. C'est bête de mourir. Comme les flammes des bougies s'effarent. Oui, c'est bien Clermont qui jouait Antony et France qui faisait Angèle cet hiver. Bravo, France. Et je vais mourir? Parfaitement. Il aiguise le rasoir. Pourquoi sonne-t-on les cloches? Pour mon glas? Aïe, Hubert me prend aux cheveux. Il pousse le rasoir. C'est froid. Ah, c'est drôle, je n'ai pas souffert. Et je suis mort? Voilà qui est farce. Zut pour les cloches. Et Geffos s'éveilla, baigné de sueur sur son divan, en plein jour. Un léger tintement de sonnette mourait dans l'antichambre, assez obscure, sur laquelle s'ouvrait grande la porte, qu'il croyait cependant bien avoir fermée. confondu par la stupidité de ce rêve, il en avait encore froid dans le dos, et cette impression ne cessait pas. Un peu de vie étrange et somnambulique lui restait au nerf. « Mais il y a quelqu'un là, » dit-il. En effet, un léger, très léger grattement s'éleva derrière la porte d'entrée. Horripilé, il courut ouvrir. C'était Louise, en noir, d'une pâleur de cire, très amaigrie. « Comment, c'est vous ?» Cette réalité achevait de le confondre. Il se passa la main sur le front, craignant que le rêve ne continuât. Et hanté par la vision du mari, il le sentait là, présent, quoique invisible, entre eux. « Qu'avez-vous donc ? » dit-elle. « Rien. Mais vous, comment êtes-vous venu ?» Et à distance, lui tenant les mains, il les écarta pour la mieux contempler, comme on fait aux enfants quand on admire leur robe neuve. Très pâle, elle semblait plus grande et plus mince dans son deuil, et cela le troublait, comme s'il voyait une autre Louise. Confuse d'être ainsi regardée, d'un souple élan, sans répondre, elle s'abattit sur lui, la tête sur l'épaule, poitrine contre poitrine, avec une pudeur toujours tressaillante et une faiblesse qui se confiait en lui. Il éprouva une pitié immense, et penchant ses lèvres, il les promenait sur les cheveux de Louise, n'osant lui baiser le front ni les joues, par une honte étrange, tant il sentait que sa trahison avait, en dépit du pardon, brisé, sinon les attaches mêmes, du moins ces mille liens délicats qui, d'un être à l'autre, sont comme les fils de la Vierge de l'amour. Tenue ainsi dans ses bras, elle rejeta en arrière son buste et sa tête, et lui mettant les mains sur les épaules, osa le regarder en face, fixement, comme pour se graver au cœur l'image de Géphos. Cela supposait une séparation possible, la fin probable d'un amour. Il le comprit, et fut remué par des idées sourdes et tristes, des pressentiments d'automne. Il lui sembla qu'elle portait le deuil de leur tendresse. Il la fit asseoir, et s'asseyant à ses genoux sur un coussin. « Comment êtes-vous venu ? » répéta-t-il. « Mais naturellement, j'ai dit que j'allais chez vous. »« Chez moi ? Comment ? Quelle ? Mais c'est de la folie !»« Est-ce que tout ce qui s'est passé n'est pas de la folie ? » dit-elle. « Et Thérèse ne vous a pas empêché ?» Il y eut un silence. Madame Desgrands baissa la tête. Sans doute, elle pensait à des scènes pénibles, à sa meilleure amitié rompue. Géphos dit « Est-ce qu'elle sait ?» Et il ne sut comment s'exprimer. « Dites que vous m'avez appartenu ?» Elle fit un long signe de tête, gravement. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Elle me plaint. Et Madame Desgrands, un peu farouche, haussa les épaules. Ses yeux regardaient au loin. Une curiosité fébrile dévorait Géphos, que décontenançait cet air calme et taciturne. Il ne put se taire et murmura. « Et votre mari ?» Il lui semblait impossible qu'elle ne fût pas venue pour en parler. Sa présence attestait des événements graves, survenus tout à coup. « Il revient demain, » dit-elle. « Ah, mais les ministres ne rentre que dans 8 jours. « Il revient demain, » dit-elle avec détachement. Le cœur de Géphos palpita. Son rêve lui revint. « Voilà le moment venu, » pensa-t-il. Et froidement, « Ah, est-ce qu'il se doute ?»« Pas encore, je ne sais. Non, il me croit malade. » Elle dit cela si étrangement que Géphos la regarda avec inquiétude. Comme si elle était en effet très malade, un peu folle peut-être. Puis, le ton avec lequel elle avait dit « Il revient demain » l'avait piqué. « Comme vous m'annoncez ce retour tranquillement, » dit-il. « Comment voulez-vous que je vous l'annonce ? » dit-elle. « C'est vrai, elle est stoïque. Que de femmes se tordraient les mains, me crierait aux oreilles « Sauvez-moi, vous m'avez perdu, sauvez-moi !»« Que faire ? » ajouta-t-elle en haussant les sourcils, la paume des mains ouvertes, les épaules tombantes, avec un air doux et navré d'impuissance. Il baissa les yeux. « Oui, que faire ? L'enlever ?» Il n'y pouvait penser. « Attendre des grands de pied ferme, voilà tout. »« Que lui direz-vous ? Ce que vous m'ordonnerez, » dit-elle avec une étrange candeur. « Est-ce que je ne suis pas tout à vous ?» Une curiosité cruelle le poussa. « Si je vous disais, partons, viendriez-vous, mes enfants ?» dit-elle d'une voix à peine distincte. « Ah ! » fit-il méchamment, oubliant qu'il ne s'agissait que d'une supposition. « Vous m'aimez moins qu'eux. »« Si vous l'exigiez, » dit-elle avec effort, « je partirai. » « Non, » dit-il satisfait, « je suis plus soucieux de votre honneur que vous-même. Vous n'avez pu, en me faisant la grâce de m'aimer, aliéner vos droits de mère et votre rang dans le monde. Comprenez-moi bien, un grand danger vous menace. Peut-être se passera-t-il des choses graves. » J'ai besoin d'avoir tout mon sang-froid et d'être sûr du vôtre. Promettez-moi donc de ne commettre aucune imprudence. Promettez-le, non pour vous, je connais votre fierté, mais pour vos enfants, pour eux seuls, Louise. » Elle baissa la tête, sans répondre. « Et maintenant, dit-il, rentrez vite, ne faites rien sans m'en prévenir. Surtout, soyez prudente. Je puis compter sur vous, n'est-ce pas ? Comme vous savez que vous pouvez compter sur moi. » Oui. Il s'était levé et se tenait embrassé, étroitement. Un long cri aigu, traversant les murs, leur arriva, si étrange que Madame Desgrands pâlit. « Avez-vous entendu ? » Anxieux, il inclina la tête. Tous deux prêtèrent l'oreille. Soudain, blême, comme s'ils entendaient assassiner quelqu'un. Un nouveau cri, lointain, mais acéré, leur perça le tympan. Madame Desgrands enfonça ses ongles dans la chair de Géphos. « Entendez-vous ? Entendez-vous ? » dit-elle plus morte que vive. Et lui-même sentit ses cheveux se dresser, dans une sorte d'horreur mystique. C'était bien la clameur d'une agonie brutale, le hurlement d'une bête qu'on égorge. Tout à coup, au troisième cri, l'expression du visage de Madame Desgrands changea, et Géphos comprit, en même temps qu'elle, qu'une femme, non loin d'eux, enfantait péniblement. « Ah, c'est affreux !» dit-elle en se laissant tomber, défaillante sur le divan. Et aussitôt, affluaient dans l'esprit de Géphos des associations d'idées bizarres, des racontars de Seignelly concernant à la fois Sagittaire, la propriétaire, cette vieille comtesse, et sa fille Juliette. Sur cette dernière, son attention se fixa. Nul doute, c'était elle qu'ils entendaient crier sur le lit de misère des femmes, en mal d'enfant. Il raconta à Madame Desgrands cette histoire bête, dont la fin leur parut tragique en cette minute. Elle écoutait, avec des yeux qu'agrandissait l'angoisse d'entendre, chaque fois plus horrible, ses plaintes. « Pauvre créature !» murmura-t-elle. Se regardant, ils eurent la même pitié de cette naissance bâtarde, de cette maternité honteuse, proclamant à grands cris, dans un labeur d'angoisse, son déshonneur vulgaire. Il leur venait une stupeur des cruautés du sort, un effroi sourd de la souffrance physique, une pitié de leur chair misérable. Madame Desgrands suait à grosses gouttes. « Oh ! » soupirait-elle. Elle pensait, sans pouvoir détourner les yeux de Géphos, à ce hasard mystérieux des conceptions. Elle venait de s'avouer qu'eux aussi auraient pu, et qu'en savait-elle, engendrer un pauvre être, pire que bâtard, pire qu'adultérin, faussement légitime, qui ne leur appartiendrait pas, à Olivier Dumois, et qui, imposé par la loi à un père dont il ne serait pas le fils, à des sœurs et frères dont il ne serait frère qu'à demi, pourrait naître, lui aussi, dans les affres, l'horreur et le sang. « Mon Dieu, mon Dieu !» répétait-elle, et les cris, lui entrant dans le cœur, elle finit par se boucher les oreilles, en y pressant les paumes de ses mains. Sur ses lèvres s'agitait sans bruit le balbutiement d'une prière, intercession humble, afin que cette malheureuse souffrît moins. Géphosse, quoique plus endurcie, ne pouvait dissiper son malaise. Il lui semblait que cette misère, d'une autre, s'ajoutait à leur propre misère. Criait sa note d'épouvante triviale, prophétiquement, au milieu de leur rendez-vous périlleux et triste. Les cris avaient cessé, mais le lourd silence qui suivit parut encore plus pénible. Géphosse et Madame Desgrands ne pouvaient refouler leurs suppositions. Les douleurs s'étaient-elles arrêtées pour reprendre plus fort? L'enfant était-il né, vivant ou mort, garçon ou fille? Et cette curiosité bête et poignante, mais bien humaine, leur faisait regarder les murs, tendre l'oreille. « Sauvez-vous, » dit Géphosse, après avoir forcé Louise à boire quelques gouttes d'un cordial. Elle regarda l'appartement, puis Géphosse, encore les meubles, les papiers, les livres, puis Géphosse, et encore lui, très longuement. Ils s'étreignirent, comme s'ils se voyaient pour la dernière fois, et se reprirent sans qu'elle pût détacher ses bras. Il lui semblait qu'elle allait mourir et qu'elle ne le reverrait jamais plus. Quand il ouvrit la porte, leurs regards instinctivement allèrent vers le palier, à la porte voisine, d'où les cris étaient partis. Le grand silence leur fit froid au cœur. Elle contempla Géphosse, étrangement pâle, avec un regard, un sourire indéfinissable de morte. « Sois prudente, » souffla-t-il. « Adieu, adieu !» Et s'arrachant brusquement de ses mains, elle s'enfuit. Fin de la section 16, enregistrée par Margot.